Only Rock, la passion du rock sur le web, avec Fabien, en direct sur Radio Web Passion. Eh bien, bonjour à tous, il est 17h30, passé de quelques minutes, on est bien sur Web Passion à bord d'Only Rock pour la deuxième émission de la saison 4. On va commencer avec un programme plutôt éclectique, on va écouter du rock forcément parce que c'est Only Rock, du rock anglais, mais pas que, il y aura de l'australien, il y aura du français, du breton, enfin bref... On va voyager à travers le rock aujourd'hui. On commencera juste après avec les Arctic Monkeys. Mais juste un petit moment, on se fait ça avant. Alors, les Arctic Monkeys sont devenus le seul groupe indépendant à avoir placé consécutivement 5 albums en tête des charts britanniques lorsque leur 5e album AM est sorti en 2013. Et une autre information sur les Arctic Monkeys, c'est lorsqu'il a fallu remplacer Andy Nicholson, le bassiste au sein des Arctic Monkeys en 2006, eh bien c'est Nick O'Malley qui n'a mis que 2 jours pour apprendre tout le répertoire complet du groupe et qui a pris la basse au pied levé. Bref, chapeau à monsieur Nick O'Malley. Pour ce faire, on va écouter All My Owns, ça c'est les Arctic Monkeys et c'est dans Only Rock. Et vous êtes bien ensemble, on est bien ensemble pour 1h30. Arctic Monkeys, c'est parti. AM, c'est l'album de Arctic Monkeys sur lequel on va écouter All My Own Stunts. On enchaîne avec Monsieur Baxter Dury. Alors pour ceux et celles qui étaient là la semaine dernière, bah forcément vous l'avez entendu parce que j'avais déjà passé un morceau. Mais là, je voulais simplement vous dire que Baxter Dury, c'est pas vraiment un inconnu pour les fans, parce que pour ceux qui écoutent un peu de pop anglaise et qui ont une petite cinquantaine d'années, ont dû entendre son père Ian Dury, qui est l'auteur de la célèbre maxime autodestructrice Sex and Drugs and Rock and Roll. Donc voilà, quand on a un père comme ça, bah, je crois qu'on peut que finir chanteur de pop comme les Baxter Dury. Et sa voix vous est tout aussi familière parce que ce disque, c'est déjà son sixième. Alors on va écouter tout de suite Afternoon. C'est Monsieur Baxter Dury. On est bien ensemble dans Nirock. C'est sur Radio Web Passion. Il fait beau, les oiseaux chantent. Bref, tout de suite, c'est Baxter Dury. Do you remember when we were younger, those days? She slept with him. That's what they say. I borrowed all my love from those days. Broken all those hearts same way. Do you remember when you just left school? That's a day that all your friends called. I lay down on daddy's chaise longue. Day that you broke all the rules. Did it matter to you? Did it matter to you? Was it just another forgotten afternoon? Did it matter to you? Découvrir juste après ça, on va après Baxter Dury, forcément on continue notre voyage rock'n'roll avec le groupe Buck Cherry. Le titre qu'on va écouter, c'est Crazy Beach. Alors le palmarès du groupe est plutôt impressionnant, hein, avec quelques premières parties assurées comme pour AC/DC, de nombreuses tournées à leur actif et une panoplie de hits qui ont franchi le million de vues sur le fameux réseau YouTube. La formation californienne de Buck Cherry peut se targuer d'avoir su mener sa barque assez bien, parce que malgré des hauts et des bas, hein, quelques mois après la sortie de Year of the Tiger, Josh, Todd and the Conflict, le chanteur reprend du service avec les Buck Cherry et travaille d'arrache-pied sur War Paint. C'est l'album qu'on va entendre là. Un album résolument rock'n'roll dont la sortie s'est faite, eh bien, le 8 mars dernier. Crazy Beach, c'est les Buck Cherry. On les écoute juste après. We're going to your place, and now you got to freak me out. Scream. scream so loud, getting fucking late. You want me to stay, but I got to make my way. Hey, you're a crazy bitch, but you fuck so good, I'm on top of it. When I dream, I'm doing you all night. Stretch yourself down my back to keep me right on. Hey, you're a crazy bitch, but you fuck so good, I'm on top of it. When I dream, I'm doing you all night. Stretch yourself down my back to keep me right on. Take it off, the paper is your game. You jump in bed with fame, another one not paid in full. You're so fine, it won't be a loss. Cashing in the rocks, just to get you face to face. Hey, you're a crazy bitch, but you fuck so good, I'm on top of it. When I dream, I'm doing you all night. Snatches all down my back to keep it right on. Hey, you're a crazy bitch, but you fuck so good, I'm on top of it. When I dream, I'm doing you all night. Snatches all down my back to keep it right on. Crazy bitch, crazy bitch. Hey, you're a crazy bitch, but you fuck so good, I'm on top of it. When I dream, I'm doing you all night. Scratches all down my back to keep me right on. Hey, you're a crazy bitch, but you fuck so good, I'm on top of it. When I dream, I'm doing you all night. Scratches all down my back. Come on, baby girl, you want it all. Only Rock, la passion du rock sur le web, sur Radio Web Passion. Allez, on continue les amis, il est 17h46 sur Radio Web Passion. On part du côté de l'Australie avec les Digger and the Pussycat. Alors, certains pourraient être surpris de ne pas reconnaître la patte australienne chez le duo originaire de Melbourne. Et si le son du garage punk est bien plus propre que d'autres formations, c'est pas du tout dérangeant car ce n'est jamais au détriment de l'intérêt des morceaux. Alors pour preuve, j'en veux le morceau qu'on va écouter tout de suite. Coming to get you, c'est les Digger and the Pussycat. Yeah. every time, yeah. You drive on the line, yeah. You drive like a cunt. You drive like a cunt. With your real big car, and you're gonna go far. You're a superstar, yeah. You drive like a cunt. You drive like a cunt. And they're coming to get you. And you know you can't go far. L'invité d'Only Rock. Eh bien, l'invité, ça sera le 22 septembre. Je recevrai Michael Avoriaz et ses musiciens. Mais voilà, on en reparlera plus précisément la semaine prochaine. J'aurai peut-être même quelques sons à vous faire écouter. En attendant, on part du côté de la Touraine parce que le duo First Draft vous propose le titre Balloon Pilot. Alors, si vous ne les connaissez pas, si vous ne les avez jamais vus sur scène, lorsqu'on les entend au loin... En concert, on pourrait s'imaginer qu'ils sont 4 ou 5 musiciens sur la scène. Eh bien non, pas du tout. Quand on s'approche, on découvre qu'il y a une acrobate, batteuse, chanteuse excellente et un bassiste alchimiste passionné. Donc rien que pour ça, ça vaut le détour d'aller voir First Draft en concert. Et je leur souhaite juste de pouvoir rejouer sur scène dès que possible. First Draft, Balloon Pilot, c'est maintenant. Trying to climb to higher ground, but she's stuck, shy and paralyzed. She's standing still, drowned in the past. Undercover in her box, she tries to learn how to fly. Minds people who take flight, rising in the sky, safe and sound. Going out of a hiding place is too much for now. Hanging around, bound to the ground. Now she's afraid of what she's trying to find. To the fear of falling down, a millstone hanging around her neck. One step forward, two steps back. She's a stranger to other skies. She knows one day she could be at ease with the world, far from the ground and free from bounds. She'd like Only Rock, la passion du rock sur le web, sur Radio et Passion. Allez, je vous la fais en quatre dates. La prochaine, en 72, Eugène Hutz naît à Bojarka, près de Kiev, en Ukraine. En 86, il fuit l'Ukraine après l'annonce de l'accident de la centrale nucléaire Tchernobyl. En 1993, Eugène Hutz arrive dans le Vermont, aux États-Unis, avec un statut de réfugié politique. Et en 97, il se rend à New York et crée le groupe Gogol Bordello. Et on écoute tout de suite le titre Alcohol. Alcohol, le groupe Gogol Bordello. Alors, est-ce que c'est un groupe ukrainien, américain? Ça, personne ne le sait. À vous de vous en faire votre idée. Petit moment nostalgique. Juste après, on va écouter Monsieur Mano Solo. Le titre Aimé d'amour, il naît le 24 avril 1963 à Chalon-sur-Marne. C'est le fils du dessinateur Cabu et de la journaliste Isabelle Monin, cofondatrice du magazine écologique La Gueule Ouverte. Mano Solo se connaît d'abord comme guitariste, la furia du groupe rock des Chihuahuas, avant de privilégier la peinture, puis de revenir en solo derrière un micro pour mettre à vif ses révoltes sur le mode d'un répertoire réaliste teinté de java, de jazz, de tango ou d'humeur gitane. Il nous quitte à l'âge de 46 ans en 2009. Mano Solo, Aimé d'amour. Aimé d'amour, se fracasser tous les jours contre le mur en soi, les limites de notre moi. Toutes ces briques l'on porte en broche, tous ces parpaings dans le café du matin. Tartine de vie qui nous écœure, alors qu'on a si faim. Aimer d'amour, être celui ou celle qui pourra vivre, être celui en celle qui pourra suivre la chevauchée que son cœur a construit, la montagne de rêves et tous ses fruits, sans se faire faucher en plein galop par les ravages de son égo. Aimer d'amour, le grand miroir. Carapace chauffée à blanc brûle les mains de tes amants. Aimer d'amour, poser les armes à son tour. Quand on n'a que soi, pourquoi s'abandonner? Toi qui me mènes par le bout du nez, que feras-tu de mon armée? Ces guerriers fidèles et toutes ces batailles arrangées, j'en avais tellement à venir. Il me faut déjà les voir se finir. Aimer d'amour, se déshabiller, laisser ses billets s'en aller, qui ne tue pas doit travailler. Aimer d'amour, une peau entière contre la misère, un chant d'amour. Aimer d'amour, aimer d'amour, aimer d'amour, aimer d'amour, aimer d'amour. Aimer d'amour, aimer d'amour, aimer d'amour, aimer d'amour, aimer d'amour, aimer d'amour, aimer d'amour, aimer d'amour, aimer d'amour, aimer d'amour, aimer d'amour, se fracasser tous les jours contre le mur en soi, les limites de notre moi. Aimer d'amour, se fracasser tous les jours contre le mur en soi, les limites de notre moi. Un peu de douceur après, parce que ce qu'il arrive juste après, je vais juste vous donner les premiers vers de la chanson. L'entre ciel et terre, telle une plume, on décolle de terre pour la lune, dans une fusée faite de chair qui fume, corps en métal et mental de fer, on allume. Ça paraît comme ça poétique et beau, mais attention les oreilles. Je suis radio sur les applis Android, iPhone. Radio Web Passion. Radio Web Passion. Et vous êtes bien toujours dans Only Rock avec... Oulala, ça se mélange. Avec Mass Hysteria juste avant. Je vous parlerai tout à l'heure de Tagada Jones, alors restez à l'écoute parce que forcément si vous avez suivi un peu l'actualité, ils vont sortir bientôt un album, mais on en parle juste après. Juste après les Bretons de Merzine avec leur 7e album Nomade qui est sorti le 12 octobre 2018. Merzine livrait un formidable plaidoyer furieux, sans concession et humaniste, prenant l'ouverture d'esprit et le brassage des cultures, bref, toutes les valeurs qu'on défend dans Only Rock. Alors Merzine, c'est tout de suite dans Only Rock et c'est l'attrape-rêve. Comme une pluie de mélasse, je m'élance au devant d'un grand vide, c'est nos rêves que je capte. Je découvre, je sonde toutes sortes d'histoires, des milliers de frasques. Le temps se démonte, les gens se racontent nos cauchemars, je les efface. Je me dis que peut-être ce soir tu prendras ta place. Juste milieu des espaces, les songes m'emmènent si loin que les esprits voraces. Les visions à l'appel s'amoncellent, tu es aveugle dans la nasse. Au cœur de l'image, en dehors du sillage, acquiesce en silence que cache tes sens. Les vents me balancent. Je t'ai signé toi, l'homme de cible, ton arbre. Only Rock, la passion du rock sur le web, avec Fabien, en direct sur Radio Web Passion. Et on continue à 18h, bientôt 12 minutes, notre voyage sur Web Passion, toujours dans Only Rock, avec un Australien, monsieur Nick Cave, accompagné de ses Bad Seeds. En 2019, il sortait Ghostin, l'album. On va écouter un titre sorti de cet album. Être hanté par celui qu'on aime et survivre malgré tout, chanter avec la conviction des causes perdues et livrer des chansons belles à se damner, c'est ce que fait Nick Cave avec le magnifique album Ghostin. Je vous propose tout de suite Bright Horses. Petit moment suspendu dans Only Rock. Cities, those bright burning horses, and everyone is hiding, and no one makes a sound. And I'm by your side, and I'm holding your hand. Ride horses of wonder springing. Your burning hand. And everyone has a heart, and it's calling for something. So sick and tired of seeing things as they are. The horses are just horses, and their manes aren't full of fire. The fields are just fields, and there ain't no Lord. And everyone is hidden, and everyone is cruel. There's no shortage of tyrants and no shortage of fools. And the little white shade dancing at the end of the hall is just a wish that time can't dissolve. In the pastures of the Lord. Oh, the train is coming, and I'm standing here to see, and it's bringing my baby right back to me. on the 5:30 train. Monsieur Nick Cave, tout en douceur dans Only Rock, 4 minutes 50 de plaisir. On continue avec un titre, je vais vous le donner forcément, je peux en faire des caisses pour vous les présenter. About a Girl, tout le monde a deviné qu'il s'agissait de Nirvana. This is off our first record. Most people don't own it. La passion du rock sur le web avec Fabien en direct sur Radio Web Passion. En direct, toujours, en effet. Et on continue avec les Tourangeaux de Noitol. Alors, pour ceux qui avaient suivi l'information, ils devaient jouer sur le festival Rock in Chargé, mais forcément, avec la situation que l'on connaît, le festival a dû être annulé pour cette année, mais on espère les revoir très très bientôt sur scène. Et j'en veux pour preuve qu'ils ont repris, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, le chemin des répétitions. Donc, j'espère qu'on les verra très très bientôt sur scène pour un concert mémorable. Tout de suite, on écoute Breaking My Destiny. No one can see and down the night to the crisis. You can't put up the custom. Without heroes, the horn. Turn it over, need a hug. Sweet, really, when the devil shows slings. So we one day when you home. And the entire world can see. Only Rock, la passion du rock sur le web, sur Radio Web Passion. Et on continue notre parcours musical. On enchaîne avec l'album Variety, sorti en 2007. Forcément, je parle des Rita Mitsuko. C'est leur 7e album et le dernier album studio d'Erita Mitsuko, sorti en 2007 avec Fred Chichin, qui meurt la même année d'un cancer foudroyant en novembre, soit quelques mois à peine après la sortie du disque. Donc, on écoute tout de suite L'Ami Ennemi. Radio Web Passion. L'invité d'Only Rock. L'invité d'Only Rock, ce sera le mardi 22 septembre avec Mickaël Avoriaz et ses musiciens. On parlera musique, on parlera bien d'autres choses parce que Mickaël a plusieurs cordes à son arc, mais ça, on le découvrira ensemble le mardi 22 septembre de 18h à 19h. Il sera dans nos studios pour nous parler de sa musique. À suivre, les Sex Pistols à Anarchy in the UK. Alors, si vous ne l'avez pas encore vu, courez voir le film White Riot au cinéma. Bien sûr, avec votre masque, hein, maintenant, depuis aujourd'hui. Et on écoutera juste après Chaka Punk, Alak Okan. et pourquoi pas les Skip the Use, Anti-Slavery, mais tout de suite, c'est Anarchy in the UK. Du rock sur le web sur Radio et Passion. Boom into my head, boom into my body dead. What the hell am I doing on my ass? Coma, coma, hey, coma friend, as dead as me. Watch your face in the table glass. Snacks everywhere, white snacks and beer tests. Rolling green like names on farine. How? Oh, I like cocaine, I like cocaine, I like cocaine. I'm boosting on my brain. I like cocaine. I like cocaine, I'm boosting on my brain. Yesterday was not the same, I was the king, Shaka Khan. Girl and money, it was so funny, yummy honey. All my friends, and no super friends, bands, and no girls, and no men. It was the end of the party. Today I'm smoking, I feel my body broken. I put right shit in what I am. A la cocaine, a la cocaine, a la cocaine. I'm boosting all my brain. A la cocaine, a la cocaine, a la cocaine. I'm boosting all my brain. Yes, my name. That's what I am. I like cocaine. I like cocaine. I like cocaine. I'm boosting all my brain. I like cocaine. I like cocaine. I like cocaine. I'm boosting all my brain. Écoutez Radio Web Passion. Oh shit, where are my flowers? Behind the computer, I'm not a geek. guitar player, cause I'm living hidden. No, I'm the Johnny Rotten, and that's what punk killer can do anything for her, cause I'm a punk rocker. Oh shit, grow all my flowers behind a computer. I'm not the guitar player, cause I'm living hidden. No, I'm the Johnny Rotten. Anti-slavery, c'était Skip the Use dans Only Rock. Il est encore 20 minutes d'émission et on enchaîne avec les Parisiens de Stuck in the Sound qui enregistraient un album il y a 2 ans et qui le sortaient l'année dernière. On écoute tout de suite le single qui est sorti avant l'été dernier. All Right, c'est les Stuck in the Sound. Les Stuck in the Sound, on en continue avec les Tagada Jones qui, si vous suivez un peu les réseaux sociaux, ils l'ont annoncé, ils ont sorti la pochette de leur prochain album qui va s'appeler À Feu et à Sang, et leur prochain album donc sortira le 30 octobre prochain. Et là on écoute un titre qu'ils ont joué au Hellfest l'an dernier qui annonce plutôt positivement le prochain album À Feu et à Sang. Ça sera le 30 octobre, les Tagada Jones, tout va bien. tra-la-la, tra-la-la-ler, tra-la-la, tra-la-la-ler. Only Rock, la passion du rock sur le web, avec Fabien, en direct sur Radio Web Passion. Après les Tagada Jones, tout de suite, un titre sorti en 1980. Si je vous donne les premières paroles, forcément vous allez reconnaître. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Donc là, c'est petit clin d'œil à notre époque qu'on traverse aujourd'hui. Tu marches tel un robot dans les couloirs du métro. Ok, jusque là tout va bien. Les gens ne te touchent pas, ça on peut le comprendre. Il faut faire le premier pas. C'était en 1980 et c'est forcément antisocial, antisocial de Trust. Anti-social, anti-social, anti-social, anti-social. Only Rock, la passion du rock sur le web, avec Fabien, en direct sur Radio Web Passion. Et on va se quitter pour cette deuxième émission de la quatrième saison qui s'achève d'ici quelques minutes avec un titre live sorti en 2016. On les avait connus sous le nom de Téléphone, mais ils se sont reformés, mais en laissant de côté leur bassiste. On écoute tout de suite Un Autre Monde et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc mardi, 17h30, 19h sur Radio Web Passion. Only Rock, la passion du rock sur le web, c'est le mardi avec Fabien au micro. On se quitte avec Un Autre Monde en live, les infos. Ce gros ballon, c'est notre passé, c'est notre avenir, c'est notre souffle. Il est à vous, prenez-en soin. Et la terre est si ronde. Only Rock, la passion du rock sur le web, sur Radio Web Passion. Vous écoutez Radio Web Passion. Plus près, plus proche. Radio Web Passion. Bonne soirée.